On rejoint maintenant Nouméa, François Morel. C'est à vous, vous êtes en direct de Nouméa. En direct, en effet, de Nouvelle-Calédonie, François Morel. Et je voudrais par avance m'excuser des diverses difficultés de liaison et d'expression dues essentiellement au décalage horaire. Aujourd'hui, devant le micro, c'est un homme en colère qui vous parle, c'est un homme aux abois, c'est un homme exaspéré, moi. Je voudrais revenir, en effet, sans a priori, sur la polémique récente qui a opposé deux ministres du gouvernement, Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, et Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Je voudrais simplement exposer les faits de la façon la plus objective, la plus impartiale possible. Monsieur Guillaume, avec énormément d'acuité, d'intelligence, de bon sens, a déclaré très justement, et je l'en félicite et voudrais le remercier pour cette déclaration pleine de discernement et de patriotisme, « Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou du Costières de Nîmes. » Il faut être juste, Monsieur Guillaume n'a certainement jamais vu non plus un vieux sortir d'une soirée choucroute et qui était saoul parce qu'il avait bu une vodka pamplemousse, un sex on the beach, une vodka mule ou une caipiroska. En revanche, Monsieur Guillaume, et c'est tout à son honneur de le signaler, n'a jamais vu, et il l'a dit, sortant d'une boîte de nuit, un jeune torché aux Côtes-du-Rhône, au Crozes-Hermitage, au Bordeaux, au Costières de Nîmes. Il aurait pu ajouter au Gewürztraminer, au vin d'Arbois, au Muscadet, au Coteau du Layon, aux Janières, aux Tavelles, aux Champagnes, afin de faire plaisir à encore plus de terres viticoles qui font la fierté de la France. Madame Buzyn, très perfidement, très agressivement, et je ne suis pas de parti pris, a répondu « La molécule d'alcool contenue dans le vin est exactement la même que celle contenue dans n'importe quelle boisson alcoolisée. » La molécule d'alcool. Alors que lorsqu'on parle du vin, on évoque le moelleux, le millésime, le souplesse, la cuisse. Mais de molécule, non. Je suis très déçu, Madame Buzyn, par votre réflexion qui est celle d'une mauvaise française, je n'hésite pas à le dire. Surtout au moment où l'on apprend que la France, et on se doit de le regretter, n'est plus le premier pays consommateur de vin. Où est-il, Madame Buzyn, votre esprit de compétition, se faire dépasser par les Américains en termes de volume, par tête d'habitant, par les Portugais? Personnellement, depuis plusieurs heures déjà, j'ai tenté avec mes faibles moyens de remettre la France sur la plus haute marche du podium, animée par mon seul esprit de gagneur, stimulée par une détermination sans faille, mais hélas, je ne vais pas y arriver tout seul. C'était François Morel, puisque à cause du décalage horaire, je faisais ma chronique en direct de l'apéro, de la première, de Nouvelle-Calédonie. Merci François Morel, et merci aux équipes de la première Nouvelle-Calédonie pour ce duplex.